Radio d'idées, la web radio culture et territoire à Lormont. Selon Henri Bergson, celui qui mettra le feu à toutes les conventions, celui qui méprisera l'usage pratique et les commodités de la vie et s'efforcera de voir directement la réalité même, sans rien interposer entre elle et lui, celui-là sera un artiste. Onde d'artiste sur Radio d'idées. Bonjour à tous, aujourd'hui au studio, on accueille Emmanuelle Arinaud, pédagogue danseuse et chorégraphe au sein de la compagnie Entre Nous. Bonjour. Bonjour. Donc c'est la seconde fois que nous accueillons la compagnie à la radio parce qu'ils en ont des choses à nous raconter. Mais tout d'abord Emmanuelle, j'aimerais bien revenir sur le projet pédagogique de la compagnie, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors la compagnie Entre Nous existe depuis un peu plus de 15 ans maintenant et on a démarré nos activités sur la partie pédagogique en s'adressant tout d'abord à des publics enfants-adultes. Et on a développé des ateliers et stages en danse afro, principalement. Et puis petit à petit, on a élargi nos publics. On travaille aujourd'hui avec des enfants à partir de l'âge de 2 ans, en passant par les enfants, les ados, adultes, publics en situation de handicap, publics dits éloignés. Et on a élargi les pratiques. On est à la fois sur la danse afro, sur la percussion et sur de l'impro dirigé. D'accord, très bien. Au sein de ce projet-là, vous avez plusieurs rôles. Quels sont-ils ? Alors moi, j'enseigne. Je suis salariée de la compagnie et je suis montée en grade là cette année. Désormais, je suis coordinatrice artistique. Félicitations. Merci. Et puis, je suis aussi artiste chorégraphique. Donc, j'interviens désormais particulièrement sur la partie chorégraphique. Et j'ai été aussi danseuse-interprète. D'accord, au sein de la compagnie. Hein. Oui. Très pour bien. La compagnie Entre Nous, ouais. Est-ce que côté artistique, on peut parler des créations qui ont déjà été faites, qui sont en cours et qui sont à venir ? Bien sûr. On a démarré sur un tout premier duo, Clément et moi, avec qui j'ai fondé la compagnie. Clément étant lui aussi danseur et chorégraphe et pédagogue. Ce duo s'appelait Echo et c'était une proposition de création en afro-contemporain. Et puis après, on est passé à un ballet trad du Ghana qu'a géré Clément, où on était une huitaine d'artistes danseurs et percussionnistes autour de la danse trad. Et puis on a continué sur des duos danse afro-percussion, danse afro-hip-hop, afro-contemporain. J'ai monté un solo, Clément à nouveau deux autres duos. Et puis on a continué sur un spectacle jeune public en danse-théâtre. Je me suis associée avec une comédienne. Là, il y a eu une reprise de rôle l'année dernière. Ce spectacle s'appelle Lalao. Et dernièrement, qui a commencé à tourner un petit peu, un solo que j'ai co-chorégraphié avec Clément et que Clément interprète, qui s'appelle Dos à Dos. D'accord. Là, c'est de la danse afro-contemporaine. D'accord, génial. Donc un mélange de genres, un joli mélange. C'est ça. Comment vous voyez le futur de la compagnie ? Alors, on s'est mis à développer pas mal de projets spécifiques. On s'est lancé sur un projet intitulé Les Rancards qui propose beaucoup d'ateliers autour de l'impro, impro théâtral, impro dansé, avec une spécificité sur des ateliers parents-enfants. On va élargir la notion de parentalité en proposant ces ateliers-là aux aînés, aux autres membres de la famille, aux grands-parents. Et puis, il y a le volet du projet Mouvementez-vous, pour lequel on arrive au terme là, de ce premier épisode qu'on aimerait prolonger sur d'autres territoires, voire à d'autres échelles, pourquoi pas à l'échelle internationale, avec des échanges avec des pays comme l'Italie, l'Égypte, le Ghana et la France. Donc voilà, projet ambitieux qui peut-être verra le jour dans quelques années, je pense. On va continuer à rester au niveau local, régional, voire national. Mais voilà, c'est un des projets à long terme de la compagnie. Et puis, bien entendu, continuer à développer nos créations, notamment la partie création participative. Oui. Voilà, c'est un axe fort qui est défendu au sein de la compagnie, la participation des habitants, la participation des publics avec une diversité en termes de style, d'âge, on en fait un peu notre credo, on ouvre les portes de nos travaux de création pour permettre au public de se saisir du processus de création et c'est quelque chose qu'on va perdurer et faire évoluer dans les années à venir. Et c'est à ça qu'on vous connaît pour moi, le partenariat avec les publics et les habitants. Des dates à nous communiquer ou pas ? Alors, prochaine date, samedi 23 juin, clôture du projet Mouvementez-vous sur sa partie urbaine. On propose une expo avec l'ensemble des participants au projet de Lormont et du Sauveterrois et une heure de spectacle où... On aura des jeunes sur scène, des jeunes volontaires, des enfants de l'école Camus, d'autres associations qui se joignent à nous, l'école aussi, le MMDT, quatre jeunes danseuses qui proposent leur propre création chorégraphique. Et ensuite, c'est samedi 30 juin, ça c'est sur la version rurale du projet. On organise un événement à Blasimont. À partir de 16h, il y a un DJ set qui est organisé par des jeunes du Prige de la CDC Entre-deux-Mers. Donc une petite session spéciale Jones, suivie d'un apéro-bal ouvert à tous pour les familles. On termine en début de soirée vers 22h. D'accord. Voilà. Animations, des surprises, plein de choses. Chouette, ça donne envie. Et le 23, juste pour précision, l'heure et le lieu ? Le 23, 16h, salle Léo Lagrange, au Bois Fleuri, à Lormont. Très bien. Et pour le 30, petite info importante, la ville de Lormont nous met à disposition un bus. Donc on a 59 places à disposition des habitants pour pouvoir faire le trajet Lormont-Blasimont et venir faire la fiesta. Parfait, merci la ville de Lormont. Ouais, merci. Moi super, merci beaucoup pour ces réponses Emmanuel. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations et actualités de la compagnie Entre Nous sur leur site, donc leurs deux sites internet asso-entrenous.org ou compagnie donc CIE-entrenous.com ainsi que leur page Facebook compagnie Entre Nous. Donc ça s'écrit ENTRE-nous. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci. Toutes nos actualités sur radio-didée.fr, Facebook et YouTube.